Et mec, pousse-toi. Laisse-nous prendre les commandes. 1-0 KRET, la rage depuis tout monde. Ramène du bonbon rap pour les bonhommes. Quartier Nord, la souris restera à la plaque tournante. Des punchlines posées sur une instru violente. On tapite pas notre rap, on a des propos violents. À Marseille, ça rap capuché, ça lâche des faces au taquet. Ça monte sur scène en parquet. On te respecte quand tu fais taire les grosses têtes. Toujours en fil de gauche, le rap plus la défaite. Y'a plus de challenge, mordu par le piston. Plus de compète à cause de tous ces moucherons. Connaissent le succès par la pipe pour sortir de la merde dans le disque. Nous, c'est pas notre objectif. Depuis que je lâche la rime sous morphine, on est très loin de tout ça. On nique sur scène comme faux style. Trop dommage dans l'industrie qu'on m'a dit changer de style. Raconter de la merde et faites place à discret. Toujours aux commandes du rap en poste de force sous degré. Ne parle pas de nous intégrer, vous allez tous nous pomper. Salope t'es encerclé, 360 degrés. On veut que ça soit du concret, ne t'approche pas de trop près. Ma rime sur la détente, je la tire à bout portant. Pop, pop, enfoiré prend ça dans tes tympans. La devise c'est écoute ou crève ou fuck si tu nous aimes pas. Tout le monde se couche, j'ai un 16 coups dans la bouche. Des rimes en guise de cartouche, j'canarde le premier qui bouge. M.O. te l'avait prédit, poser les mics à terre, car voilà les tueurs d'MC. Et puis de toute façon, dans le rap y'a plus de liasson. J'ai pris cet art en otage sans réclamer une rançon. J'ai la chienne, t'es la rue à télécharger mon son. Comme dit l'ex-congolais Merlich, on fera pas de pétition.